Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. L'agence de presse russe TASS, l'agence de presse japonaise Kyodo, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, le site d'internet américain Google News, les pages d'internet du Comité national du Gérien d'études du Kim Il-sung et Kim Jong-un et du Comité national d'études des exigences du Congo démocratique et le page d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections ont présenté son inspection des exercices en ski du bataillon de l'infanterie alpine relevant de l'unité 1045 de l'armée populaire de Corée. Le journal népalais Arfan, les pages d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des exigences et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, le page d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelles des inspections ont informé de son inspection du commandement de la grande unité combinée 380 de l'armée populaire de Corée. Les journaux et Internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.